Moi, je m'en suis pas sorti à la première tentative. Ça m'en a pris plusieurs pour m'en sortir. Ali Nestor est un rescapé. À la fin des années 1980, ce jeune Québécois d'origine haïtienne adhère au gang des familiers à Montréal. Après avoir échappé à plusieurs fusillades, il décide de tourner la page en 1997. Il ouvre un centre sportif dans la banlieue Est de Montréal pour aider les jeunes à sortir du milieu de la rue. On a des contrats avec les écoles secondaires. Le jeune, quand il est suspendu, au lieu de le retourner à la maison, il les envoie ici. Et il a des ateliers pour de la gestion de la colère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre les gangs. Depuis 2002, ces groupes de jeunes criminalisés sont devenus la priorité numéro 1 du gouvernement en matière de sécurité. Charles Mayou est inspecteur de police au sein de la division du crime organisé à Montréal. Les gangs de rue à Montréal, ça a commencé à l'entour des années 80. Par la suite, ce qu'on a vu, c'est l'apparition de deux groupes en général, qu'on a appelé les bleus et les rouges, qui reproduisent, dans le fond, les Crips et les Bloods à Los Angeles. Pour empêcher l'intrusion de gangs américains au Canada, les services de douane collaborent régulièrement avec les policiers américains. Autre stratégie mise en place du côté canadien, les pouvoirs publics ont fait le pari de la prévention. C'est le cas, par exemple, du projet Rebondi à Montréal. Pour que les policiers puissent s'adresser aux jeunes sans que ça soit répressif, ils ont dans la valise des véhicules des ballons. Ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de football. Fait que quand tu vois un groupe de jeunes dans un parc, ben, au lieu d'arriver avec une action des fois répressive, ils peuvent arriver avec un ballon puis le donner aux jeunes. Les programmes mis en place au Canada pour lutter contre les gangs semblent porter leurs fruits. La criminalité a diminué pour la troisième année consécutive. Mais rien n'est gagné d'avance. Des émeutes ont éclaté pour la première fois dans les quartiers nord de Montréal au mois d'août 2008. Au Canada, Damien Bertrand pour France Info.